m'intéresse pas. Je n'ai jamais marché au pas. À 14 ans, je bloque le compteur. Je m'en fous pas mal d'être majeur. Les adultes sont tellement cons. Je préfère rester un jeune garçon. Je cultive mon imaginaire. Mon monde à moi est sans frontières. Je suis un enfant attardé de ceux qui chantent sur le pavé. J'achète mes rêves au bout du chemin. Je m'éclate toujours comme un gamin. Pour cracher au denier du culte, j'ai pas coché dans la bonne case. J'ai pas envie d'être un adulte, de voter pour une bande de nazes. C'est pas pour ma gueule. J'emmerde les chefs et les patrons. Je suis un chien qui se sent seul. J'emmerde les fils de la nation. Quand j'étais petit, j'étais pas beau. Maintenant, je suis vieux et je suis moche. Y a pas de pitié pour les parchots, les réfugiés, les gavroches. Je serai grand, je boirai de la bière et je fumerai des gros pétards. En attendant, je traîne ma misère de vieil enfant sur les boulevards. La vieillesse ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais marché au pas. À 14 ans, je bloque le compteur. Je m'en fous pas mal d'être majeur.